إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on poursuit بإذن الله تعالى وبعون الله عز وجل l'explication en française du livre intitulé أعلام سنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة du grand savant Hafiz ibn Ahmed al-Hakami rahimahullah ta'ala. On s'est arrêté la dernière fois à la question numéro 172. Donc on est toujours dans ce qui concerne les termes utilisés par le Coran et la Sunna et qui sont en relation avec le kufr, qui sont en relation avec la mécréance. Et on avait vu les cours derniers que dans le Coran, on va trouver des termes qui sont utilisés, qui ont pour origine ces trois mots, que ce soit zulm, al-fisq, ou al-fusuq, ou al-nifaq. Donc on a dit le premier zulm, c'est l'injustice, al-fusuq, c'est la perversité, ou al-nifaq, c'est l'hypocrisie. Et on avait vu qu'on allait trouver ce qu'on appelle pour chacun d'eux, ce qui est akbar, donc majeur, et ce qui est mineur. Ce qui est akbar, c'est en réalité le kufr en lui-même, ou le kufr akbar, c'est-à-dire celui qui va faire sortir de l'islam. Et pour ce qui est de l'asrar, c'est en réalité ce qui ne va pas faire sortir de l'islam. Et on a vu, pour chacun de ces catégories, des exemples du livre d'Allah Azzawajal. Et il nous restait donc un terme à voir, et qui est an-nifaq, et qui est donc l'hypocrisie. Donc le cheikh va parler du an-nifaq, al-akbar ou al-asrar. Donc la question c'est celle qui est la suivante, donc la question numéro 172. Yaqul le cheikh rahmatullah alayh, ma mithal kulli min an-nifaq al-akbar ou al-asrar. Donc quels sont les exemples d'hypocrisie majeure et mineure? Il va nous rappeler le shir que les exemples d'hypocrisie majeure, c'est ce qu'on a déjà vu à titre d'exemple dans les versets qui ont fait l'ouverture de Surat al-Baqarah. Il va nous les rappeler ici, donc c'est à titre de rappel, et ça concerne al-nifaq al-akbar. Ça concerne al-nifaq al-akbar. Donc l'hypocrisie majeure, celle qui fait sortir de l'islam et qui est en réalité le kufr al-akbar. يقول الله عز وجل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم إلى قوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. Donc ce verset, les hypocrites cherchent à tromper Allah, mais Allah retourne leur tromperie contre eux-mêmes. Mais Allah les trompe, وهو خادعهم, mais Allah les trompe. Jusqu'à ce qu'il a dit subhanahu wa ta'ala, les hypocrites seront certes au plus bas fond de l'enfer. Au plus bas fond de l'enfer. في الدرك الأسفل من النار. ويقول الله عز وجل كذلك هذا في سورة المنافقين. Une sourate qui a pris donc leur nom. المنافقون. يقول الله عز وجل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون إن المنافقين لكاذبون. Et d'autres versets encore que le shir ici ne nous cite pas, c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup d'autres versets où Allah Azza wa Jal parle donc ici des al-munafiqun, de ceux donc ada ismun fa'il, donc de ceux qui ont fait l'acte du nifaq, mais ici al-nifaq al-akbar. Donc ça concerne bien ceux qui sont sortis de l'islam, al-nifaq al-akbar. Et comme on l'a déjà vu, qui est donc ivhar al-islam faire apparaître l'islam devant donc les gens, wa ibtan al-kufr, wa ibtan al-kufr, et donc dissimuler, cacher la mécréance. Le dernier verset qui a été cité, quand les hypocrites viennent à toi, ils disent, nous attestons que tu es certes messager d'Allah. Allah sait que tu es vraiment son messager. Et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. Pour ce qui est du nifaq al-asrar, donc le nifaq qui est des mineurs, et celui-ci qui ne fait pas sortir de l'islam. Celui-ci qui ne fait pas sortir de l'islam. Et qui est en réalité, va ici revenir à l'acte. Va donc revenir à l'acte. Alors que al-nifaq al-akbar, qui est cité également par d'autres savants, comme on avait vu ce terme pour ce qui est du kufr, al-nifaq al-irtiqadi, donc qui est propre au dogme, ou qui est propre à la croyance, donc l'hypocrisie qui est propre à la croyance, également qui est cité par d'autres savants, et qui nous prouve bien ici, lorsqu'on parle de al-nifaq al-irtiqadi, qui nous prouve bien ici que lorsque ça touche à la croyance, et que c'est dans le domaine de l'hypocrisie, alors on rentre dans ce qui est majeur, on rentre dans ce qui va faire sortir de l'islam. Riyadan billah. Pour ce qui est de celui qui est mineur et que l'on va donc retrouver dans les actes que va faire la personne ou que va faire le musulman et qui va tomber ici donc dans l'hypocrisie. Mais cette hypocrisie qui est propre à l'acte, non à la croyance, et qui va donc l'hypocrisie mineure. Yaqul Allah Azza wa Jal ou Arfwan. Yaqul al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ici le cheikh va nous rapporter en réalité des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc tous des hadiths qui sont authentiques et qui sont rapportés dans les deux authentiques, à savoir al-Bukhari wa Muslim. Yaqul an-nabi sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith ayatul munafiqin, lorsqu'il nous a parlé donc des signes, ici ayah bima'na alama, c'est-à-dire le signe ayatul munafiq, donc le signe de qui? De l'hypocrite. Et de trois. Donc on voit bien ici al-munafiq. Idha haddatha kadhab. Lorsqu'il parle donc, et lorsqu'il tient une conversation, yakdhib. Il ment. Donc celui qui fait cela, qui tombe dans le mensonge, il a fait un acte d'hypocrisie. Mais bien entendu, ça ne veut pas dire que il est sorti de l'islam. Donc à partir de là, on est bien dans l'hypocrisie mineure. Wa idha wa'ada akhlaf. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ. Également, lorsqu'il donne une promesse, il ne la tient pas. Donc également, celui qui va faire cet acte-là, ça ne veut pas dire que il est sorti de l'islam. Mais on voit bien que c'est ici ce qui rentre dans le nifaq, propre à l'acte, et qui est celui dont on a parlé, qui est le mineur. Et de même pour le troisième, وَإِذَا تُمِنَ خَانَ. Donc, si on lui place un dépôt de confiance, ou alors on lui fait confiance, on lui donne une chose en tant que dépôt de confiance, alors il trahit la personne. C'est-à-dire qu'il ne conserve pas ce dépôt de confiance. Il trahit la personne par rapport à cela. Ça également, c'est un acte qui va faire partir des signes du nifaq, mais ici un nifaq al-asrar. Également, l'autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Arba' man kunna fihi kana munafiqan » Donc quatre. Ceux qui vont accomplir ces quatre, c'est-à-dire donc les quatre actes, kana munafiqan, il sera donc un munafiq, mais ici dans le sens qu'il va tomber dans un nifaq al-asrar, donc dans l'hypocrisie mineure. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien entendu, a cité ensuite ces quatre choses et les trois premières qui reviennent donc au hadith précédent. À la kulli hal, al-shahid ici, ce sont des actes qui vont être faits où la personne va tomber à partir ou avec l'accomplissement de cela dans le nifaq al-amali, donc dans l'hypocrisie mineure. Mais pour bien revenir au sens du hadith ou des hadiths, c'est les signes de ces gens-là, al-munafiq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a bien parlé de al-munafiqin ici, de ceux qui sont en réalité al-kuffar, de ceux qui sont les véritables munafiqs. Ça, c'est leur signe à ces gens-là. Mais ça ne veut pas dire donc à partir de là que celui qui va faire un de ces signes, ou qui fait même ces trois signes, tant que lui, il n'est pas tombé dans al-nifaq al-i'tiqadi, c'est-à-dire que il ne cache pas le kouf dans son cœur, il fait semblant d'appliquer l'islam devant les gens, alors à partir de là, même s'il fait ces trois choses ou même s'il fait ces quatre choses, il reste musulman tant que il n'est pas sorti de l'islam de par quoi? Sa croyance. Donc il ne sort pas ici de par ces actes-là de l'islam. Donc c'est bien à partir de là qu'on va comprendre que c'est dans le domaine du nifaq al-asrar. Donc l'hypocrisie qui est dite mineure, celle qui ne fait pas sortir de l'islam. Taïb. Donc le cheikh, il va terminer par cette question là et ensuite il va passer à une autre question, et qui en réalité également, pourquoi il passe à cette question là le cheikh, parce que également ça va rentrer dans le domaine du kufr, ça va rentrer dans le domaine de la mécréance, et qui est as-sihr, et qui est donc la sorcellerie. Donc le cheikh va poser certaines questions concernant as-sihr, et automatiquement après également il va poser des questions par rapport à ruqya, par rapport à ruqya, ce qu'on appelle ruqya. Et en réalité on va également ici développer, pour ce qui concerne la sorcellerie, on va donc reprendre ce que nous dit le cheikh et ajouter des compléments par rapport à la sorcellerie, pour que le sujet soit des plus complets, et également pour ce qui est de ruqya. Mais avant cela, et comme on l'avait dit, on va compléter Arfwan, le sujet, et plus précisément le sujet de At-Takfir, qui est donc le fait de rendre une personne mécréant, ou alors de rendre un groupe de gens mécréants. Pourquoi? Parce qu'on va voir que At-Takfir, il a plusieurs catégories. Et en réalité, pourquoi on va un peu plus s'élargir sur cette question-là? Parce que malheureusement, de nos jours, on trouve beaucoup de jeunes qui n'ont pas acquis la science suffisante et maîtriser les règles comme il se doit, et qui vont rentrer dans ces questions-là, qui sont des questions en réalité très très dangereuses, qui sont des questions plus que dangereuses, très très dangereuses, et qui ont des conséquences plus que dangereuses également, qui touchent donc avant toute chose notre croyance. Donc la personne doit prendre garde lorsqu'elle rentre dans ce sujet-là, et qu'elle le fasse, si elle a le faire, avec science, c'est-à-dire comme on va le faire maintenant et dans les cours suivants, prendre les choses point par point, comprendre les termes au vu du Coran et de la Sunna, et également savoir distinguer les règles et savoir ensuite les appliquer. Ça, c'est des points qu'on va maintenant en réalité développer, bi'idhnillah, et dans la suite des cours. Il faut savoir que pour ce qui est du at-takfir, ou ce que l'on peut également parler du kufr, on a vu que le kufr, il avait plusieurs catégories, taïb, mais suivant différents aspects, des aspects qui étaient multiples, comme on l'a vu, taïb. Et on va voir en réalité que le kufr, il a également le kufr, ou alors at-takfir, qu'il a en réalité également deux autres catégories. Et cela suivant son aspect qui va être dit absolu ou précis. On va revenir sur ces termes-là et on va les expliquer pour qu'il n'y ait pas ensuite d'ambiguïté par rapport à leur compréhension, bien entendu en langue française. Sachant qu'on va parler ici de itlaq, al-itlaq, et on va parler de at-ta'yin. Donc, les gens de la sunna, al-sunna, pour ce qui est de cette catégorie, ou sous cet aspect-là, ils ont donc qassamu al-kufr, ou masalat al-takfir, en deux catégories. La première, c'est ce qu'ils appellent al-takfir al-mutlaq. Al-takfir al-mutlaq. Qu'est-ce que c'est ça? C'est tout simplement donc ce qui va caractériser ou désigner par la mécréance, et ceci de manière générale ou de manière absolue. Ça, c'est at-takfir al-mutlaq. C'est-à-dire qu'on va appliquer cette caractéristique qui est la mécréance d'une manière qui va être générale. Et donc, qu'est-ce qu'on va comprendre à partir de là? Ne pas appliquer cette caractéristique à une personne qui va être, elle, bien précise, ou en désignant une personne qui va être bien précise. Et donc, à partir de là, on va savoir le deuxième ou la deuxième catégorie, et qui est at-ta'yin, qui est at-ta'yin. Donc at-ta'yin, qui vient du verbe ayyana, yu'ayyin, ta'yinan, c'est le fait donc de désigner une personne bien précise, de par son nom, ou alors de par des adjectifs qui vont faire qu'on va reconnaître cette personne-là. C'est tout simplement traiter de kafir une personne, de par son nom, une personne donc bien précise. Ça, c'est ce qu'on appelle ta'yin. Donc, takfir, takfir, ta'yin. Takfir, ta'yin. Ta'yib, c'est la deuxième catégorie. Takfir al-mu'ayyin, plutôt ce qu'on appelle takfir al-mu'ayyin. Takfir al-mu'ayyin, ta'yib. Pour ce qui est de la première catégorie, c'est-à-dire at-takfir al-mutlaq, il va lui se diviser, lorsqu'on regarde an-nusus, lorsqu'on regarde les textes du Coran, il va se diviser en deux catégories, ou deux sous-catégories. La première sous-catégorie, c'est en réalité une catégorie qui va être dite totalement globale, ou alors très générale, ou alors absolue. C'est ce qu'on appelle wasfun a'am. Wasfun a'am. Donc, c'est en réalité caractériser ou donner ou appliquer le kufr à celui qui va dire une parole, ou à celui qui va faire un acte, ou à celui qui va avoir une croyance. Et l'exemple qu'on va donner par rapport à cette première sous-catégorie, et qui est en réalité la plus générale possible, c'est ce qui est de plus général, tayyib, c'est-à-dire celui qui dit cela est un kafir, kafara, ou celui qui fait cela est un kafir, ou kafara, et celui qui croit cela est un kafir. C'est le fait de dire ça. Lorsqu'on dit ça, c'est ce qu'il y a de plus général pour ce qui est de masalatu takfir. Et on est toujours donc dans takfir al-mutlaq, mais celui qui a un caractère des plus global, des plus général, tayyib. Et le verset que l'on choisit par rapport donc, ou pour donner l'exemple de cette catégorie, يقول الله عز وجل في سورة المائدة, c'est le verset 17, également le verset 72. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. Donc on voit ici que celui qui va dire cette parole, non, celui qui va dire cette parole là, ça va être donc un kafir. Certes, sont mécréants ceux qui disent Allah c'est le Messie fils de Marie. Tayyib, donc on voit qu'ici ce qu'il y a de plus général. Allah Azza wa Jal nous dit que celui qui dit cette parole là est un mécréant. Donc il n'y a aucune désignation. Tayyib, il n'a pas été désigné une personne ici, mais on voit bien qu'il était désigné celui qui va dire cette parole. Donc quiconque va dire cette parole, il va rentrer donc dans ce verset là. Celui qui va dire Ayadan billah wa ta'ala Allahu an dhalik, qu'Allah c'est le Messie fils de Marie, ou al-Masih ibn Maryam. De même, dans un autre verset qui fait surat al-Nisa, et qui est le verset 150, également 151, yaqul Allah azza wa jal inna alladhina yakfuruna billahi wa rusuli wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusuli وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا. Donc dans ce verset, les voilà les vrais mécréants. إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ. Non, ceux qui ne croient pas en Allah, ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers, et qui veulent faire distinction entre Allah et ses messagers, qui disent nous croyons en certains d'entre eux mais ne croyons pas en d'autres, et qui veulent prendre un chemin intermédiaire. Les voilà les vrais mécréants, et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. Donc on voit dans ce verset qu'Allah Azza wa Jalla également ici, il va nous parler donc de croyance, et il va nous parler également d'une parole, donc une croyance, ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers, et également ceux qui disent cette parole. Nous croyons en certains d'entre eux, mais ne croyons pas en d'autres. Qui vont faire donc une distinction entre eux, qui entre les messagers d'Allah. Allah Azza wa Jalla va dire, les voilà les vrais mécréants. Ulaika humul kafiruna haqqan. Donc ceux qui vont rentrer dans cela, qui vont avoir cette croyance, et qui vont dire donc cette parole-là, ça va être considéré au niveau du shara comme des kuffars, comme des mécréants. Sans aucune ambiguïté. Donc à partir de là, on voit que c'est plus que général. Ceux qui vont croire cela, ceux qui vont dire cela, etc. Ça donc, c'est pour ce qui est de la première, ou le premier niveau. On pourrait parler de premier niveau dans ce qui est de cette première catégorie, al-takfir al-mutlaq. Et pour ce qui est du deuxième niveau, c'est ce qui va être beaucoup plus restreint, tout en ayant un aspect global, mais qui va être, on va dire, d'un cran beaucoup plus restreint, et qui va concerner l'application de ce kufr, de cette caractéristique, à un groupe de personnes, ta'ifa, ou à une secte, comme en réalité le fait de dire ou une jama'a marsousa, c'est-à-dire donc un groupe bien précis, comme le fait de dire al-yahoud kuffar, le fait de dire les juifs ce sont des mécréants, ou an-nasara kuffar, ou le fait de dire les chrétiens sont des kuffars, ou le fait de dire ar-rafida kuffar, le fait de dire les rafidites sont des kuffars, etc. Donc de désigner ici un groupe de personnes. On reste dans ce qui est général. Ça ne rentre pas ici dans le ta'yin. Non, on reste dans ce qui est général parce qu'on a tout simplement désigné ce qui est un groupe. Et par rapport à cela, il y a également des versets du Coran qui vont venir comme exemple dans ce deuxième niveau de ce qu'on appelle al-kufr al-mutlaq, de ce qui est donc de la mécréance absolue ou al-takfir al-mutlaq. يقول الله عز وجل كما في سورة الصف في الآية 14 يقول فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة. Donc on voit ici dans ce verset un groupe des enfants d'Israël ont cru tandis qu'un autre groupe ont fait quoi? Ont fait acte de mécréance. وكفرت, ici كفر, donc du verbe, le verbe. Donc Allah Azzawajal ici nous informe qu'il y a un groupe de Bani Israël à ce moment-là qui sont donc devenus des kuffars, et un autre groupe qui eux ont cru. Donc on voit les deux extrêmes, ceux qui ont cru et ceux qui ont été considérés comme kuffars. Également un autre verset qu'on donne à titre d'exemple qui fait surat Hud et qui est le verset 68, qui appelle Allah Azzawajal ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. Donc dans ce verset, Allah Azza wa Jalla va nous citer donc un peuple, donc un groupe de gens également. En vérité, les Thamoud n'ont pas cru en leur Seigneur, que périssent les Thamoud. Donc on voit ici ألا إن ثمود كفروا ربهم, donc le verbe ici كفروا, qui sont entrés donc dans le kufr al-akbar, le fait qu'ils ont renié leur Seigneur, le fait qu'ils ont mécru en leur Seigneur. Donc ça, c'est des exemples pour ce qui est du takfir al-mutlaq, le fait de rendre mécréant de façon générale. Et le premier niveau, on l'avait dit, c'est donc de dire telle personne qui dit cela, celui qui dit cela est un kafir, ou celui qui fait cela est un kafir, ou celui qui croit cela est un kafir. Et on a donné des exemples du Coran. Et le deuxième niveau, c'est de désigner ici un groupe de personnes. Donc ça reste toujours dans l'aspect général, mais à un niveau, on va dire, un peu plus restreint. Pourquoi? Parce qu'on va ici citer un groupe de personnes, ou alors une secte, etc. Comme on a vu ici, que ce soit les juifs, les chrétiens, etc. Tayyib, et les exemples du Coran donnés à partir de là. Ça, c'est pour ce qui est donc de cette première catégorie. Et la deuxième catégorie, qui est ce qu'on appelle takfir al-mu'ayyan, ou al-kufr al-mu'ayyan, c'est-à-dire... Ici donc, comme on l'a dit en début, désigner une personne de manière bien précise. Ina, désigner une personne de manière bien précise, de par son nom. Et savoir à partir de là que cette personne-là est un kafir. Ça c'est ce qu'on appelle le ta'yin. Et on va voir qu'il y a beaucoup de règles par rapport à cela. Pas qu'une seule règle, mais beaucoup de règles par rapport dans cette catégorie-là. Il y a des exemples du Coran également. Regardez ce qu'Allah Azza wa Jalla dit par rapport à Iblis. Fi surat al-Baqarah, et qui est le verset 34. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Regardez comment Allah Azza wa Jal qala anhu, lorsqu'il a dit subhanahu wa ta'ala وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Donc Allah Azza wa Jal l'a rendu kafir en le citant et en sachant que Iblis est devenu à partir de là kafir. Donc c'est ici un ta'yin. Allah Azza wa Jal l'a bel et bien désigné. Allah Azza wa Jal l'a bel et bien désigné. Et à partir de là, tout le monde sait qu'Iblis est un mécréant. Et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis. Donc on voit ici Ta'yin qui refusa, sans flat d'orgueil, et qui fut parmi les infidèles, parmi les kuffars, al-kafir, le terme ici al-kafir. Donc on voit ici c'est Ta'yin. Également, fi surat al-tahrim, regardez, lorsqu'Allah Azzawajal va parler de la femme de Nuh et de la femme de Lot, il va donc ici, ayyin, Allah Azzawajal donc va désigner de par leur nom ces personnes-là. Donc on est toujours dans takfir al-mu'ayyin. يقول الله عز وجل ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. Allah a cité en parabole pour ceux qui ont mécru la femme de Noé et la femme de Lot. Et donc il va ici, Allah عز وجل, donner un exemple de deux femmes qui ont été des kafirat, qui ont été donc des femmes mécréantes. Donc on voit ici Ta'yin, on voit qu'Allah Azza wa Jalla les a désignés dans le Coran. Tayyib. Et on va s'apercevoir, pour ce qui a été dit, que ça a été la parole des gens de science. C'est-à-dire donc le fait de diviser cette question de At-Takfir, cela en deux catégories. Que ce soit At-Takfir al-Mutlaq ou At-Takfir al-Mu'ayyan. Et si on voit ce que va dire Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, في كتاب الاستقامة على page 164 يقول شيخ الإسلام إن التكفير المطلق مثل الوعيد المطلق. Il va nous dire que donc le takfir qui est donc ici absolu est comme الوعيد, comme la menace qui est dite absolue. لا يستلزم تكفير الشخص المعين. Cela n'implique pas donc le fait donc de rendre mécréant une personne bien précise. حتى تقوم الحجة التي يكفر تاركها. C'est-à-dire donc que cela ne va pas impliquer ce kufr qui va être dit mutlaq, cela ne va pas impliquer qu'on va automatiquement rendre mécréante la personne qui va faire soit cet acte, ce qui va dire soit cette parole, ou etc. حتى تقوم الحجة, jusqu'à que la preuve va lui être apportée. Ou jusqu'à que la preuve lui soit apportée à cette personne-là. On reviendra sur ce qui est, sur ce qu'on appelle iqamatul hujja et les règles qu'il y a à savoir par rapport à cela. Allati yukaffiru tarikahana. Et donc il va rendre mécréant celui qui va délaisser, celui qui va la délaisser. C'est-à-dire donc celui qui va délaisser ensuite cette preuve après, bien entendu, que la preuve lui soit venue. Également, on va rapporter ici la parole de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Rahimahullah, Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahmatullah alayh. Il va nous dire, rahmatullah alayh, wa mas'alatu takfir al-mu'ayyan mas'alatu ma'rufa. C'est-à-dire donc, la question qui est en rapport avec le takfir qui est donc dit précis. Lorsqu'on va donc désigner une personne bien précise. Mas'alatu ma'rufa, c'est une question qui est connue. Idha qala qawlan yaqul al-qawl bihi kufran. C'est-à-dire lorsque il va dire une parole, cette parole-là est du kufr. فيقال من قال بهذا القول فهو كافر. من قال بهذا القول فهو كافر. Donc on va rentrer ici dans ce qui est mutlaq. Le cheikh donc il va nous donner ici, il va nous faire apparaître bien et bien la différence qu'il y a entre ces deux catégories. Pourquoi lorsqu'il a dit من قال بهذا القول فهو كافر, on est ici dans le fil mutlaq, comme on l'avait dit. Et le mutlaq, le premier niveau. Le mutlaq, ici le premier niveau. Taïb, ce qui est le plus général. Celui qui va dire donc cette parole-là, c'est un mécréant. ولكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. C'est-à-dire, il va dire à partir de là. Par contre, la personne bien précise, une personne donc, qui va dire cette parole-là, on ne va pas la rendre mécréante de par cela, jusqu'à qu'il y a une preuve. Hujja qui va donc être mise en évidence auprès de lui jusqu'à que réellement il va devenir un kafir lorsqu'il n'accepte pas cela après qu'il a vu la preuve et qu'il a su réellement ce qu'il faisait ou ce qu'il disait ou ce qu'il avait comme croyance. Donc on voit bien que Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab ici a bel et bien fait la différence entre ce qui est du mutlaq pour ce qui est du takfir et ce qui est muayyan. Ensuite, et après avoir bien fait la différence entre ces deux catégories, on va voir maintenant les règles qui sont propres à ces deux catégories. sachant qu'il y a des règles authentiques prises du Coran et de la Sunna, et qu'on met en évidence et qu'on extrait, tiré les savants de la Sunna, pour nous faire donc apparaître les règles qui vont entrer sous ces deux catégories, que ce soit takfir al-mutlaq ou takfir al-mu'ayyan, celui qui est général, celui qui est précis, qui concerne une personne de manière précise. Et avant cela, avant que l'on parle de ces règles-là, il faut savoir, on va dire qu'il y a une règle en elle-même fondamentale. C'est lorsqu'on parle de takfir, bien entendu, on va revenir dans un premier temps, parce que c'est en réalité la première étape, si l'on regarde bien, takfir al-mutlaq, c'est en réalité la première étape. Et ensuite, il y a la deuxième étape qui vient ensuite, et qui est donc le fait de désigner une personne de par la caractéristique de la mécréance. Il faut savoir que ce qui est ou ce qui rentre fi bab al-takfir ou bab al-kufr, ça revient au texte du Coran et de la Sunna, rien d'autre. C'est ce qu'on appelle donc tawqifi. Tawqifi, un terme qu'on avait déjà vu et déjà parlé en ce qui concernait quoi? Al-ibada, en ce qui concernait donc l'adoration. On sait que l'adoration, elle ne peut être prise que du Coran, de la Sunna uniquement. On va s'arrêter, lorsqu'on parle de tawqif, le fait de s'arrêter, on va s'arrêter à quoi? Au texte. C'est-à-dire qu'on ne va pas dépasser les textes du Coran, de la Sunna. Et lorsqu'on parle donc de dépasser les textes du Coran et de la Sunna, d'aller donc plus loin que cela, et donc rentrer dans ce qu'on appelle al-aql, dans sa propre raison, et nos propres pensées, ce que nous on va penser, notre raison, ce qu'on va voir suivant la manière dont on va voir les choses, etc. Taïb, on va s'arrêter au Coran et la Sunna uniquement. Donc ça va être nos bases fondamentales. On ne pourra pas dépasser les limites de ces deux sources. Et pour ce qui est du takfir et du kufr de façon plus générale, c'est de même. C'est de même. C'est pour ça qu'il dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, comme cela est dans son livre Minhaj al-Sunnah, il dit Inna al-kufra wal-fisq ahkam shar'iyya. Il nous dit que le kufr et la perversité également, ce sont des règles religieuse ou législative. Laysa dhalika min al-ahkam allati yastaqillu biha al-aql. Ce ne sont pas donc des règles qui vont être déduites donc uniquement par la raison. On va revenir donc à la raison pour cela, non. On revient pour ce qui est de cette question-là au Coran et à la Sunna. Il nous dit donc fal kafiru man ja'ala Allah wa rasuluhu kafiran. Le kafir, le mécréant, c'est celui dont Allah Azza wa Jal et son prophète ont rendu mécréant. Wal fasiq man ja'ala Allah wa rasuluhu fasiqan. Et le pervers, c'est celui qu'Allah Azza wa Jal a rendu ainsi que son prophète pervers. Kama anna al-mu'mina wal muslima man ja'ala Allah wa rasuluhu mu'minan wa musliman. Comme le croyant et le musulman, c'est ceux qu'Allah Azza wa Jal et son prophète ont rendu comme tel. Donc on s'aperçoit à partir de là qu'on ne rentre pas dans l'aql ici et dans la raison. Et qu'on s'en arrête pour ce qui est de rendre kafir, on va s'arrêter à partir de là au shar. C'est pour ça qu'il va nous dire également, cher l'islam, fi majmu' al-fatawa. Ici, fi majmu' al-fatawa, yaqul, wal kuf wa min ahkam al-shar'iyya. Donc, la mécréance fait partie des règles ou des lois législatives. Wa laysa kullu man khalafa shay'an 'ulima bin nadhar al-'aql yakun kafiran. Ce n'est pas ici. Chaque personne qui va contredire une chose qui va être connue de par la raison, qui va être tout simplement kafir. وَلَوْ قُدِّرَ أَنَّهُ جَحَدَ بَعْضَ سَرَائِحِ الْعَقْلِ أَوْ الْعُقُولِ لَمْ يُحْكَمْ بِكُفْرِهِ حَتَّى يَكُونَ قَوْلُ كُفْرًا فِي الشَّرِيعَةِ. C'est-à-dire qu'une personne maintenant qui va renier des choses qui sont plus qu'évidentes par rapport à la raison, qui ne veut pas les accepter. Titre d'exemple, le fait qu'une personne dirait que les fruits sont des aliments qui sont néfastes, très néfastes pour la santé, de façon générale. Ça serait en réalité ici renier une chose que tout le monde connaît, une chose que la raison ne peut accepter. Celle qui va renier cela, c'est ce que veut dire par cette parole-là, cher l'islam Ibn Taymiyyah, on ne peut pas le rendre kafir. Pourquoi? parce qu'on n'a aucun texte, que ce soit du Coran ou de la Sunna, qui va rendre kafir cette personne-là. Taïb, donc c'est un exemple que va nous donner, de façon, bien entendu, de façon générale, parce qu'il parle de l'aql, le shirk. Ça va être donc un exemple ici qu'on ne peut donc rendre une personne kafir de par notre raison, de par notre propre jugement, et qu'on est obligé de passer par là, ou pour cela, par les textes du Coran et de la Sunna. Donc, il n'y a pas ici de place pour ce qui est de l'ijtihad, pour ce qui est donc le fait de faire un effort d'interprétation ou un nadar, et le fait donc de regarder, c'est-à-dire d'avoir un avis sur cela. On revient au texte. Ensuite donc, lorsqu'on a bel et bien compris cela, on va voir donc ce qui est propre ou ce qu'on appelle donc at-takfir al-mutlaq. At-takfir al-mutlaq. Et les règles qui vont entrer dans cela. Dans un premier temps, pour bien comprendre donc ces règles que l'on va donner, il faut savoir que les textes qui indiquent que les actes relatent du kufr sont très nombreuses. Non, elles sont très nombreuses. Nusus kathira. Et c'est pour ça que les gens de la sunna, et cela afin de faciliter d'ordonner, ils ont donc extrait et tiré de ces textes-là des règles. Donc qui vont permettre tout simplement à la personne d'avoir une vue d'ensemble et de comprendre ensuite de manière plus concrète et plus juste les textes du Coran et de la Sunna, en revenant donc à ces règles qui ont été placées donc par ces grands savants, afin donc de faciliter. Comme on va retrouver tout simplement, fait le Coran ou la Sunna, c'est tout simplement une question donc, question de mettre en évidence, question d'ordonner, question de faciliter. Et à partir de là, on va s'apercevoir que tout ce qui va à l'encontre de la religion et qui va advenir donc d'une personne, ce qu'on appelle al-mukhalafa, yadad-din, donc tout ce qui va à l'encontre de cette religion, donc cette hadith mukhalafa, elle va advenir de deux manières. La première, bitarki mashrua, c'est-à-dire le fait de délaisser ce qui est légiféré. Le fait de délaisser ce qui est légiféré. Ça, c'est la première manière d'aller donc à l'encontre du din, d'aller donc à l'encontre de la religion. Et la deuxième, bifi'lin mahvourin, c'est-à-dire donc d'accomplir ce qui est interdit, d'accomplir un interdit. Donc c'est soit délaisser ce qui est légiféré ou accomplir un interdit. Ça va être deux manières uniquement qui vont en réalité aller à l'encontre de la religion. Et c'est à partir de là, ici, qu'on va voir ici qu'il y a trois domaines pour ce qui concerne Tark Mashrou, et qu'il y a également trois domaines concernant Fi'l al-Mahdour, le fait donc d'accomplir les interdits. Et lorsqu'on va détailler, ça va devenir beaucoup plus clair. Sachant, pour cela, pour ce qui est donc de ces deux manières d'aller à l'encontre de cette religion, il faut savoir que ce soit pour la première catégorie, ou que ce soit pour ce qui est de la deuxième catégorie, on va toujours revenir à trois domaines essentiels, tout simplement qui reviennent à la foi, comme on l'a vu dans les cours précédents, et qui sont dans un premier temps al-i'tiqad, donc la croyance, dans un deuxième temps al-qawl, donc la parole, et ensuite la troisième al-amal. Al-amal. Pour bien simplifier, on va voir que la personne qui va délaisser ce qui est légiféré, il va automatiquement délaisser ce qui va rentrer dans un de ces trois domaines, que ce soit l'irtiqad, que ce soit le qawl ou que ce soit l'amal, que ce soit la croyance, que ce soit la parole ou que ce soit l'acte. Et on sait en réalité que ces trois domaines sont bel et bien les domaines de la foi, comme on l'a vu auparavant, lorsqu'on a défini ce qu'était l'Iman. Et donc à partir de là, on va tout simplement détailler pour celui qui va délaisser ce qui est domaine de la croyance, pour celui qui va délaisser ce qui est du domaine de la parole, et pour celui qui va délaisser ce qui est du domaine de l'acte. Et qu'est-ce qui va donc, à partir de là, faire sortir la personne de l'islam en faisant cela. Le premier domaine donc d'application, c'est ce qu'on appelle tark al-i'tiqad. Donc on est bien ici fi tark mashru', le fait de délaisser, c'est la première manière, donc le fait de délaisser ce qui va être donc légiféré. Et donc le premier domaine, c'est tark al-i'tiqad. On a dit donc le premier, c'est l'i'tiqad, le fait de délaisser donc la croyance ou une croyance. Le fait de délaisser la croyance ou une croyance. Et ça va se résumer ici en trois points essentiels. Le premier point, c'est ne pas croire en ce qu'Allah nous a obligé lui de croire, subhanahu. Donc le fait de ne pas croire en ce qu'Allah lui nous a obligé de croire. Donc on voit bien qu'on est dans le domaine ici dogmatique. C'est l'i'tiqad, c'est la croyance. Et il va rentrer dans cela, bien entendu, l'arkan sitta. Que ce soit la foi en Allah, la foi en ses anges, la foi en ses livres, la foi en ses prophètes, la foi au jour dernier, à la prédestination. Celui qui va donc délaisser une de ces croyances-là, il va automatiquement sortir de l'islam. Donc on voit bien ici, c'est un délaissement, c'est un tark. Et ici, al-irtiqad. Qu'est-ce qui rentre également dans l'irtiqad? Et qui est ici le deuxième point. C'est démentir ce qu'Allah et son prophète nous ont informé. Que ce soit par rapport aux informations passées ou aux informations futures. Donc la personne qui ne va pas croire à ce qui nous a été informé dans le Coran, ou ce que nous a informé le prophète Sam par rapport aux communautés précédentes, il va également sortir de l'islam parce qu'il aura délaissé donc ici une croyance. De même pour ce qui est le mustaqbal, de même pour ce qui est du futur, comme par exemple les signes précurseurs, etc. Donc la personne, Ashratu Sarah, la personne qui va également dénier ce que le prophète ou ce qu'Allah Azzawajal nous a informé et qui est bien entendu authentique, alors également cette personne-là, elle va sortir de l'islam. Mais on voit bien si on est dans le mutlaq, c'est-à-dire qu'on est toujours dans le mutlaq ici. Lorsqu'on dit la personne va sortir de l'islam, bien entendu ici, on dit de façon absolue et de façon donc générale. Ça ne veut pas dire que cette personne automatiquement elle va sortir de l'islam, dans le sens lorsqu'on va rentrer dans At-Ta'yin. Pourquoi? Parce qu'il y a des règles ici à appliquer. Donc on voit bien toujours la différence qu'il y a lorsqu'on parle et qu'on est dans At-Takfir al-Mutlaq et lorsqu'on passe directement au Takfir al-Mu'ayyan. Si je le rappelle, Takfir al-Mu'ayyan, si je le rappelle maintenant, c'est pour ne pas donc automatiquement penser on est en train de parler de ce qui est précis. Je dis bien la personne qui dit cela, ou ici plus précisément la personne qui croit cela, ou qui ne croit pas en cela, parce qu'on est ici dans le domaine du tark, la personne qui ne croit pas cela. Et ensuite, le troisième point, c'est ne pas croire au caractère obligatoire de ce qui est obligatoire dans la religion. Et de même, ne pas croire au caractère interdit de ce qu'il est dans la religion, de ce qui est dans la religion. Pas croire au caractère interdit d'une interdiction, ou ne pas croire au caractère obligatoire d'une obligation. Ça, c'est également ce qui va faire sortir de l'islam. Comme la personne qui ne croit pas donc que al-khamr, que l'alcool est interdit dans l'islam. Comme la personne qui ne croit pas que la prière est obligatoire, etc. Tout ce qui va rentrer dans le domaine de l'obligatoire et tout ce qui va rentrer dans le domaine de l'interdit. Et on est bien entendu ici, filir-tirqad, on est bien ici dans le domaine de la croyance. Donc toujours bien resituer de quel sujet nous parlons, parce que c'est très important. On est donc ici fi takfir al-mutlaq, on est ici fi tark mashru', et on est ici fi tark irtiqad plus précisément. Le premier domaine, c'est-à-dire al-irtiqad. On a vu donc les trois points qui rentraient dans cela. Ne pas croire en ce qu'Allah nous a obligé de croire, ne démentir ce qu'Allah et son prophète nous ont informé, et donc ne pas croire au caractère obligatoire de ce qui est obligatoire dans la religion, de même pour ce qui est de l'interdit. Les exemples pour ce qui est donc de ce premier domaine, il y en a plusieurs. Le verset qu'on a cité précédemment, sur le verset 150 et 151 de sourate An-Nisa, inna alladhina yakfuruna billahi wa rusuli, ceux donc qui mécroient en Allah et ses prophètes. Ça, c'est un exemple de verset pour ce qui est donc tark al-i'tiqad. De même, le verset fi sourate An-Nisa, qui est le verset 136, où Allah azza wa jalla yaqul wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ça, c'est également un verset donc qui rentre dans le domaine de l'irtiqad, et bien entendu ici fi at-takfir al-mutlaq. Donc celui qui mécroit en Allah, en ses messagers, en ses livres, en ses prophètes et au jour dernier, il s'est donc éloigné, ou il s'est donc dalla dalalan ba'ida. Donc dalal, il s'est donc égaré d'un grand égarement. Et pour ce qui est de cela et de ce qu'on vient citer, on va voir que c'est ijma' al-ulama sur cette question-là. Hada ijma' al-ulama. Comme nous le rappelle l'imam Ibn Battah, rahimahullah. L'imam Ibn Battah va nous rappeler ici ijma' al-ulama sur cette question-là. Yaqul, dans son livre Al-Ibana, Al-Ibana al-Sughra, yaqul, wa kadhalika wujub al-iman wa at-tasdiq bi jami' ma ja'at bi ar-rusul min 'indillah wa bi jami' ma qala Allah 'azza wa jalla fa huwa haqqun lazim. فلو أن رجلا آمن بجميع ما جاءت به الرسل إلا شيئا واحدا نعم كان برد ذلك الشيء كافرا عند جميع العلماء. Il nous dit tout simplement que pour ce qui est de l'obligation de la foi, وجوب الإيمان والتصديق, et donc de reconnaître vrai tout ce qui est venu de la part donc du prophète min indillah, et qui est donc bien entendu auprès d'Allah Azzawajal, qui vient d'Allah Azzawajal, ou des prophètes, et de tout ce qu'a dit Allah Azzawajal, tout cela bien entendu est une vérité qui est indéniable, qui est strictement indéniable. Et il nous dit donc, si une personne a cru en tout ce que est venu ou avec lequel est venu les prophètes, sauf une seule chose, illa shay'an wahidan kana bi raddi dhalika shay' kafiran 'inda jami' al-ulama, c'est-à-dire de par cette chose qu'il a tout simplement renié, qu'il a délaissé. Et donc si on est bel et bien dans le domaine de l'irtiqad, donc tark et l'irtiqad, alors il devient un kafir, et ça chez tous les savants. Donc on voit ici bel et bien qu'il y a consensus des savants pour ce qui est de cette question-là. Et bien entendu, les autres paroles des autres savants sont connues. Ensuite, on passe au deuxième domaine, et qui est le domaine de al-qawl. Al-qawl. Donc ici on est dans le tark, en délaissement. Donc on est fi tark al-qawl, le fait de délaisser la parole. Qu'est-ce qu'on veut dire par parole? Lorsqu'on va voir que dans ce domaine-là, il y a deux catégories. Ma yakunu tarkuhu kufran, ce qui va être considéré, son délaissement de cette parole-là va être considéré donc comme un kufr. Ça c'est la première catégorie. Et en réalité c'est une seule chose. C'est en réalité une seule chose. Wa natq bi shahadatayn. C'est-à-dire tout simplement prononcer les deux témoignages. Celui qui va délaisser l'énonciation de ces deux témoignages alors qu'il en a la capacité, c'est en réalité un kafir auprès de tous les savants. Bijma. Bilijma. Et même s'il croit que cela est vrai. Donc on voit que dans ce domaine qui est le qawl, et ici le tark, donc qui est le délaissement, on va s'apercevoir que c'est le délaissement de quoi? De shahadatayn, qui va faire sortir de l'islam la personne. Donc ma yakunu tarku kufran, on est dans le domaine de ce qui va être considéré comme kufr. Bien entendu, kufrun akbar, celui qui va faire sortir de l'islam. Et c'est pour ça qu'il va dire Cheikh l'islam Ibn Taymiyyah fi majmu' kama fi majmu' al-fatawa yaqul tanaza'a al-ulama fi at-takfir min taraka shay'an min hadhihi al-fara'id al-arba' ba'd al-iqrar bi wujubiha. Fa amma ash-shahadatayn إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين هو كافر باطنا وظاهرا عند السلف الأمة وإمتها وجماهير علمائها. C'est-à-dire que Cheikh l'Islam va nous dire que les savants, bien entendu il y a eu ici tanazur, il y a eu donc divergence auprès des savants pour ce qui est de délaisser les quatre piliers. Pour ce qui est de délisser les quatre piliers, après bien entendu qu'on ait la croyance que cela est obligatoire. Par contre, pour ce qui est du premier pilier, et qui est donc shahadatayn, il nous dit que celui qui ne va pas parler et qui ne va pas prononcer ces deux témoignages alors qu'il en a la capacité, alors c'est un kafir bittifaq al-muslimin. Il va nous dire que c'est en réalité un kafir, un mécréant. C'est un mécréant, que ce soit intérieurement ou extérieurement, et cela auprès de tous les savants des salafs. auprès de tous les imams des salafs. Ça c'est le qism al-awwal. Donc pour ce qui est donc de ce qui est considéré comme kufrun, akbar, celui qui va faire citer, sortir de l'islam. Par contre, il va nous dire le shir, et ça c'est la deuxième, où ici on va rentrer dans la deuxième catégorie, ma la yakun tarku kufran, c'est-à-dire tout ce qui ne va pas faire sortir de l'islam. Donc on est ici dans le domaine de quoi? De tark al qawl. On est dans le domaine de tark al qawl, le fait de délaisser la parole. Tout ce qui est en dehors des shahadatin, tayyib, le fait de délaisser cette parole ou les paroles, ça ne veut pas faire sortir d'islam. Et ça va être uniquement considéré comme ma'asiya. Donc pour bien comprendre ce qui rentre dans le domaine du délaissement de la parole. Il va nous dire, donc c'est tout ce qui rentre dans ce qui est obligatoire, comme le fait de rendre le salam à une personne, comme le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, comme le fait également d'apprendre à l'ignorant et de guider celui qui est égaré, etc. Taïb. Donc tous ceux qui vont délaisser ces choses-là, bien entendu, ils ne sortent pas de l'islam. On est bien dans le délaissement donc de la parole. Ça, c'est pour ce qui est de la deuxième catégorie. Donc on va s'apercevoir, et en résumé, que pour ce qui est de tarq al-qawl, et qui va faire sortir de l'islam uniquement une chose, et qui est tarq al-shahadatain. Donc le délaissement de quoi? Des deux témoignages. Ensuite, on va passer au dernier domaine et qui est l'amal. On va passer donc au dernier domaine et qui est en réalité l'acte. Donc on est bien toujours ici fit tark. On est bien toujours ici dans le délaissement. Et on est bien toujours ici dans takfir al-mutlaq. Donc le takfir qui est dit absolu et général. Et lorsqu'on va voir ce qui concerne le délaissement de l'acte, on va s'apercevoir ici également qu'il y a deux catégories. Pour ce qui est donc de ces deux catégories, la première catégorie, c'est-à-dire ici la divergence qu'il va avoir auprès des savants, pour ce qui est de rendre mécréant celui qui va délaisser donc quoi? Cet acte-là. Donc on est fit tark al-amal. Wahiya arkan al-islam. Et c'est en réalité les piliers de l'islam, bien entendu les quatre piliers de l'islam. Lorsqu'on a compris le premier pilier et qui revient ici à la parole et qui est shahadatain, notre shahadatain, et qui donc sont as-salat, as-zakah, as-siyam, al-hajj. Il faut tout simplement savoir que les savants de l'islam, parmi les gens de la sunna, parmi bien entendu les gens de la sunna, min ahli sunnati wal jama'a, ils ont divergé pour ce qui est de ces quatre piliers. Ils ont divergé pour ce qui est de ces quatre piliers. Et lorsqu'on a vu la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, on a bien vu qu'il nous avait dit وَلِهَذَا تَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ فِي التَّكْفِيرِ مَنْ يَتْرُكْ شَيْئًا مِنْ هَذِي الْفَرَائِضِ الْأَرْبَعِ. Bien entendu avec la condition qu'il croit à son obligation ou à leur caractère obligatoire. À part cela, c'est-à-dire lorsqu'il va croire à la personne que c'est obligatoire, il va ici la divergence pour ceux qui vont délaisser. Donc il va tout simplement, il va y avoir plusieurs avis pour ce qui est de cette question-là. Et la première parole, ou le premier avis, c'est ceux qui vont rendre mécréants ceux qui délaissent un de ces quatre piliers. Inam. Ceux qui vont délaisser un de ces quatre piliers, il va devenir mécréant. Et pour ce qui est bien entendu du hajj, pour celui donc qui a eu l'intention et la ferme intention de délaisser totalement le hajj. C'est-à-dire bien entendu, on sait que le hajj, la personne n'a peut-être pas les moyens, ou repousse également de le faire. Sachant bien entendu l'irtilaf qu'il y a auprès des savants, est-ce que le hajj, le pèlerinage est obligatoire à l'al-fawr, c'est-à-dire de manière directe, dans un, le plus proche temps, ou alors à l'at-tarahi, ou alors on a le temps, on peut donc avoir le temps pour faire le hajj. Il y a ni deux paroles qui sont connues chez les savants. Mais ici la parole concernant celui qui va devenir kafir en délaissant le hajj, celui qui est bien entendu, qui a eu l'azm, qui a eu donc la ferme intention de délaisser le hajj. Donc il faut savoir que la première parole dans ce domaine-là, c'est les savants qui disent que celui qui va délaisser un des quatre piliers, il va devenir mécréant. Qui va délaisser soit le siyam, ou qui va délaisser soit le zakat, ou qui va délaisser soit al-salah, ou qui va délaisser soit le hajj, comme on l'a cité, ça va devenir un mécréant. Lorsqu'il délaisse une de ces quatre choses. Et bien entendu, c'est un groupe de savants parmi les salafs qui ont dit cette parole-là. Et c'est également une des paroles ou un des avis rapportés par l'imam Ahmed rahmatullah alayh, et qui était le choix fait fi madhhab al-Hanabila par Abu Bakr al-Khallal. La deuxième ou le deuxième avis, c'est celui qui a l'opposé. C'est ceux qui vont dire qu'après que la personne ait reconnu leur caractère obligatoire, il ne va pas devenir mécréant en délaissant ces choses-là. Que ce soit la prière, que ce soit le hajj, que ce soit le jeûne, que ce soit le zakat, la personne, en délaissant cet acte-là, il ne va pas devenir un mécréant. Et c'est en réalité la parole de la plupart des savants, al-jumhur. La plupart des savants, que ce soit al-fuqaha min ashab Abi Hanifa, que ce soit donc les fuqaha, les jurisconsultes, parmi ceux qui ont été sur le madhab de Abi Hanifa, également de l'imam Malik, la parole de l'imam Malik, également la parole de l'imam Shafi'i, et également une des riwayas, un des avis rapportés par l'imam Ahmed, et qui était cet avis-là, parmi al-Hanabila, qui était choisi par Ibn Battah lui-même, celui qu'on a cité auparavant. La troisième parole, c'est ceux qui vont rendre mécréant uniquement celui qui va délaisser la prière. Uniquement ceux qui vont délaisser la prière. Par contre, s'il délaisse les trois autres piliers, il ne devient pas mécréant. Et ça également, c'est une parole rapportée par les savants parmi les salafs. Et c'est également l'avis d'un groupe parmi les gens qui ont suivi le madhab al-Maliki, également al-Shafi'i. Et c'est également une grande partie de ceux qui ont suivi le madhab al-Hanbali. Et pour ce qui est donc quatrième avis, c'est ceux qui vont tout simplement rendre mécréant celui qui va délaisser al-Zaka ou afwan al-Salah ou al-Zaka, qui vont délaisser donc la prière et la Zaka. Ça c'est également, c'est un avis. Et le cinquième et le dernier avis, c'est ceux qui vont être un peu plus précis sur cette question-là et qui vont dire qu'on va rendre kafir celui qui va délaisser la salah, qui va délaisser donc la prière, si l'imam, bien entendu celui qui détient le pouvoir, va les combattre par rapport à cela. C'est-à-dire qu'il va soit leur dire vous priez, ou soit alors ils vont être tués, ou alors plutôt combattus, qui vont être non combattus. Ça c'est par rapport à la salat, par rapport à la zaka. Et on va faire sortir à partir de là également le hajj. Pour cet avis-là, on fait sortir le hajj ou le siyam. Uniquement lorsque il a qatala l'imam alayha. C'est-à-dire lorsque l'imam, celui qui détient l'autorité, va les combattre par rapport donc à le délaissement qu'ils ont fait donc, ce soit de la prière ou de la zaka. Ça c'est également, c'est un avis qui est plus précis bien entendu que le deuxième. Pourquoi? Ou que le quatrième arfouan, rabia. Pourquoi? Parce qu'ici il y a une précision qui est faite. C'est au moment donc que l'imam va les combattre du fait qu'ils ont délaissé cela. Bien sûr, tous ces avis-là, ce sont des avis qui ont été rapportés, hérités parmi les salafs. Parmi les salafs. Et tous ces avis-là ont été également des versions, toutes les cinq, de l'imam Ahmed. Comme cela nous a été rappelé par l'imam Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah également, l'imam ou al-Hafir ibn Rajab. Cela donc, c'est ce qui concerne la première catégorie de ce qui rentre dans Tark al-Amal. Tayyib. Pour ce qui est donc de la deuxième catégorie, c'est Al-Ittifaq ici. C'est donc le consensus des savants qui n'ont pas rendu mécréant celui qui va délaisser cela. Donc, Mattafaqa al-Sunnah ala Adam Takfir bitarki. Ce sont donc tous les autres actes qui vont être en dehors donc de ces quatre piliers qu'on a cités. Et suivant bien entendu les avis qu'on a donnés, les différents avis qu'on a donnés parmi les salafs et ceux qui les ont suivis. Et c'est en réalité donc toutes les obligations qui viennent bien entendu après Arkan et l'Islam. Donc personne ne peut, ou aucun savant parmi les gens de la Sunna n'a rendu kafir une personne qui va délaisser un acte en dehors des piliers de l'Islam tant qu'il reconnaît son caractère obligatoire. Ça c'est en réalité la deuxième catégorie en ce qui concerne tark al-amal, le délaissement donc de l'acte. Ensuite, on va passer à ce qui est bien entendu de fi'l al-mahdhur, donc le fait d'accomplir quoi? D'accomplir ce qui est illicite, d'accomplir donc l'interdit. Et ça, on va le laisser, inshallah, prochain cours. Donc, en résumé, pour ce qui est d'aujourd'hui, on a bien vu ce qui concernait, ou plutôt les définitions, et ce qu'on voulait dire par al-takfir al-mutlaq. Pour ce qui était de takfir al-mu'ayyan. Et ensuite, on est rentré dans les règles concernant al-takfir al-mutlaq. Et on a vu, à partir de là, que pour ce qui était du takfir de façon générale, il faut les revenir automatiquement aux nusus. Il faut les revenir automatiquement au texte du Coran et de la Sunna, et qu'il n'y avait pas de place dans ce domaine-là à al-aql, c'est-à-dire donc la raison, ou al-ijtihad, l'effort d'interprétation, et également al-nazar, c'est-à-dire donc l'avis qu'on pourrait avoir. Taïb, ça c'est pour ce qui est donc de al-takfir al-mutlaq. Ensuite, on avait vu que pour ce qui était de mukhalafat din, c'est-à-dire donc ce qui va en l'encontre du din, de faire ou de tomber dans ce qu'on appelle mukhalafa, on a vu qu'il y avait deux moyens, ou qu'il y avait deux manières de faire cela. La première manière, c'était tark mashrou', le fait de délaisser ce qui va être légiféré par rapport à la religion. Et la deuxième manière, c'était donc d'accomplir ce qui va être interdit, fi'l al-mahdhur, donc faire ce qui est obligatoire. Al-mahdhur qui est bien entendu al-mamnou' fi din, ce qui est interdit, tayyib. Et ensuite, on a vu, pour ce qui était de tark al-mashrou', le fait de délaisser ce qui était donc légiféré, on a vu que ça concernait donc trois domaines d'application. Et ces trois domaines d'application, en réalité, c'est ce qui va être les bases de la foi, al-iman, que ce soit donc al-irtiqad, comme on a vu lorsqu'on a défini donc la foi, que ce soit al-irtiqad, que ce soit donc al-qawl, ou que ce soit donc al-amal. Et ensuite, on a vu pour ce qui était donc de al-irtiqad, et les paroles des savants, pour ce qui concerne cela. Ensuite, on a vu pour ce qui était de al-qawl, on a vu que ça se divisait en deux catégories, ce qui était donc min bab al-kufr, et bien entendu al-kufr al-akbar, celui qui fait sortir de l'islam, et ce qui n'était pas donc du kufr. Et ensuite, on a vu ce qui était du troisième domaine, le dernier domaine, al-amal. Et on a vu ce qui était donc considéré comme kufr, et suivant cela, on a donné donc les différents avis des savants pour ce qui était de cette question-là. Taïb. Et on a vu pour ce qui était, c'est la deuxième catégorie, ce qui n'était pas considéré comme kouf, titre de consensus, c'est-à-dire qu'il y a consensus par rapport à la deuxième catégorie, que ce qui sort en dehors des quatre arcanes, des quatre piliers de l'islam, tout ce qui sort des quatre piliers de l'islam et qui est donc le reste de toutes les obligations en islam, la personne ne devient pas mécréant en la délaissant. Donc voilà pour ce qui est du cours d'aujourd'hui, et ensuite on va rentrer dans la deuxième manière de commettre ce qu'on appelle mukhalafa, ce qui va à l'encontre du din, et qui est donc fi'lun mahdhur. Et ensuite, on verra pour les prochains cours les règles également qui sont en relation avec ici takfir al-mu'ayyan, donc la deuxième catégorie du takfir. Et on verra qu'il y a beaucoup de règles par rapport à cela qui sont importantes à comprendre. Inch'Allah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.